fête. Le jean ou le survette. J'fais la navette, Amsterdam, Phuket. Elle me fait la mule, elle me ramène la verte. Multiplier le bénef, ne pas vendre à perte. Pourquoi tu piles au virage, la klaxonne derrière. Il manque le sec au tirage, le compte de sa mère. Qu'est-ce qu'il a tout le temps, il râle. Nous on se démerde. Dans la vie y'a pas de miracle, il faut des billets verts. Oh mamacita, j'suis trop excité. Roule-moi le chita, j'ai les mains occupées. J'ai déjà tout là, par nécessité. Un truc tout pour avoir, j'me suis fait niquer. Tu fais tes sous, tu les dépenses cash. À ce qui paraît, elle a l'air cool, va voir sur Insta. À la base, tu me connais d'où, tu dis que j'fais ma star. J'suis capuché au quartier rouge, on est parti des stacks. Tu fais tes sous, tu les dépenses cash. À ce qui paraît, elle a l'air cool, va voir sur Insta. Mais à la base, tu me connais d'où, tu dis que j'fais ma star. Rappelle-toi avant comme ça fumait en cachette. Regarde les clients en file indienne, ils se garent jusqu'au stade. Nique sa mère, j'ai pas le permis, on fait pas le constat. Il est mini pédo Sky, j'écoute du Nina Sky. Elle avait un petit pull Fendi, j'ai bien kiffé son style. Oh mamacita, j'suis trop excité. Roule-moi le chita, j'ai les mains occupées. J'te souhaite bon courage, c'est dur le doublé. Toi tu m'encourages, tu veux pas me doubler. Tu fais tes sous, tu les dépenses cash. À ce qui paraît, elle a l'air.